Chapitre 29e. Le lendemain soir, ils étaient côte à côte dans une baignoire à la porte de Saint-Martin, et ils écoutaient un vieux drame, toujours poignant. Comment se trouvait-il là? Peu importe. Par quelle pente insensible Rose laissait-elle arriver jusqu'au bord du gouffre, jusque dans le gouffre même? Elle ne s'en inquiétait pas. Tout Paris aurait su qu'elle s'affiche avec Pornic, qu'elle ne s'en fût point souciée, aussi longtemps que vis-à-vis d'elle-même, la chute n'était point consommée. Aimait-elle Pornic? Pas le moins du monde. Elle eût écrasé de son mépris quiconque lui eût insinué qu'elle pouvait un jour être sa maîtresse. Au fond, Rose se tenait en haute estime et n'était pas capable, pensait-elle, de se livrer sans l'excuse d'un amour violent, irrésistible, tel qu'elle l'avait conçu jadis pour Langlois. Le jeune auteur ne lui inspirait qu'une sympathie médiocre, mais il la tenait par toutes ses ambitions d'actrice, par toutes ses perversités d'épouse rebelle, et trouvant près de lui non seulement l'indulgence, mais l'éloge pour tout ce que son mari blâmait en elle, elle s'arrangeait fort bien de cette société. Après la représentation, il la reconduisit chez elle comme la veille et la quitta devant la porte sans qu'elle eût consenti à accepter même un sorbet. Le lendemain matin, en s'éveillant, Rose eut l'impression d'un écolier qui sait que ses vacances sont finies et qu'il doit rentrer au collège le jour même. Rien ne la rappelait particulièrement à Chartres, mais un sentiment fort désagréable des nécessités de la vie sociale lui soufflait qu'à moins de rompre entièrement avec les apparences, il était grand temps pour la brebis fugitive de rentrer au bercail. Elle fit donc ses préparatifs avec une mauvaise humeur soutenue. La seule chose qui la consola un peu était qu'elle avait promis à Max de le recevoir et à Pornic d'aller au théâtre avec lui. La pensée de les désappointer tous les deux par sa brusque disparition mettait quelque gaieté dans son esprit. Au moment où elle allait descendre pour déjeuner, on frappa deux coups secs à sa porte. Elle alla ouvrir, et à son inexprimable surprise, mêlée d'un peu de terreur, elle se trouva vis-à-vis du docteur Langlois. Il entra, lui laissant le soin de refermer la porte, et après l'avoir salué sans prendre garde au désordre de l'appartement, il marcha jusqu'à la cheminée. « Que me voulez-vous ? » lui dit Rose, voyant qu'il ne parlait pas. « Comment avez-vous eu mon adresse ? Que cherchez-vous ici ?» Langlois la regarda attentivement. Cet examen souleva dans l'âme de la jeune femme tout un océan de colère. « Que venez-vous faire chez moi ? » dit-elle d'une voix assourdie par son émotion. « Je ne reconnais aucun droit de vous occuper de mes actions. » Il l'interrompit du geste, et ce geste avait tant d'autorité qu'elle fut contrainte d'écouter. « Je suis venu, » dit-il d'une voix qui ne tremblait pas, « parce que votre mari est loin d'ici, et que d'ailleurs, pour son repos et pour le vôtre, il doit ignorer ce qui se passe. Vous avez quitté Chartres sans motif sérieux. Il faut trouver un prétexte pour ce voyage et rentrer sur le champ. Si vous refusez, André saura. » « Dites-le-lui » cria Rose en le regardant en face. « Ce n'est pas moi qui le lui dirai, ce sera toute la ville, » reprit tranquillement Langlois, « et plus probablement encore, ce sont les journaux. » Rose se croisa les bras et s'assit sur un canapé. « J'étais prête à partir, » dit-elle avec dédain, « mais s'il en est ainsi, je reste. » Langlois s'assit en face d'elle sur une chaise. « André est mon ami, » dit-il de sa voix grave, aussi calme que s'il eût été en consultation. Je ne lui ai donné aucun conseil quand il m'annonçait son intention de vous épouser. J'aurais peut-être dû le faire. C'est absolument mon avis, dit Rose. Vous nous auriez peut-être épargné à tous de grands désagréments. Si je ne vous avais pas connu aussi, particulièrement, reprit Langlois en hésitant un peu sur ce mot, je l'aurais fait sans doute. Les circonstances étant données, je ne pouvais pas. Vous le pouvez maintenant? Demanda la jeune femme en levant ses sourcils d'un air étonné. Je le devrais. « Écoutez, Rose, cessons de jouer au plus fin. Vous n'êtes pas bonne. Les meilleurs sentiments se modifient si étrangement en passant par votre cœur qu'on est tenté de croire que vous êtes méchante par principe et bonne par caprice. »« C'est peut-être le contraire, » dit-elle tristement, adoucie par la sévérité de ce jugement qu'elle sentait juste. « Cela revient presque au même, » dit rudement Langlois. « Voici le fait, vous êtes la femme d'André. André est incapable de transiger avec l'honneur. Vous le déshonorez. Le croyez-vous, monsieur ?» demanda-t-elle en se levant toute droite. « Non, madame, » répondit-il très pâle, quoique toujours calme, « je ne le crois pas encore. Mais le monde le dira, et c'est la même chose pour l'honneur de mon ami. Vous l'aimez beaucoup, votre ami, beaucoup. Et la femme de votre ami? Vous l'aimez beaucoup aussi? Avouez la vérité, vous êtes jaloux. » Il la regarda dans les yeux, et elle lut qu'il ne l'aimait plus. « C'est à mon tour de vous le dire. Le croyez-vous, madame ?» Elle se laissa retomber sur le canapé. « Vous n'avez pas le droit de me persécuter, » reprit-elle, après qu'elle se fût un peu calmée. « André est mon mari, Il peut me tuer, s'il lui plaît, mais lui seul le peut. Personne, monsieur Langlois, ni au nom du passé, ni au nom de l'avenir, n'a le droit de se mettre entre mon mari et moi. Je vous demande pardon, répondit-il. Au nom de vos devoirs que vous méconnaissez, tout être bien intentionné a le droit de vous dire que vous faites fausse route. Vous auriez dû vous faire prédicateur, dit-elle d'un ton sarcastique. Je ne me reconnais pas cette vocation, répliqua-t-il sans se troubler. Je vous emmène. Nous partons dans une heure. Vous avez été malade et je vous ai conseillé d'aller à Paris consulter une autorité médicale. Je suis venu connaître le résultat de cette consultation et je vous ramène. Vous savez donc mentir ? Demanda Rose en le regardant d'un air naïf. Quand c'est nécessaire, mais pas par goût, dit Langlois. Et si je refuse de vous suivre ? J'en serai désolé, madame, et je laisserai aller les choses. Vous pouvez alors vous attendre à voir André d'ici 2-3 jours. Mais que pensez-vous donc que j'ai fait ? S'écria Rose exaspérée. Rien d'absolument répréhensible, madame. Vous avez revu vos anciens amis, fréquenté les théâtres. Eh bien, il est inutile de continuer une conversation qui prouve que nous ne nous comprenons pas, dit Langlois en se dirigeant vers la porte. Voulez-vous me faire l'amitié de déjeuner avec moi en bas ? Elle refusa d'un signe. Comme il vous plaira. Il tira sa montre. Dans 3 quarts d'heure, j'aurai l'honneur de vous prendre ici. Il la salua respectueusement et sortit. Elle s'assit et se tordit les mains en silence. Cet homme la dominait, quoi qu'elle fît. Elle avait plus peur de son mépris que de la colère d'André. Quand il rentra, il la trouva prête à partir. Pendant le trajet, ils ne prononcèrent pas une parole. Arrivé à Chartres, il la conduisit en voiture jusque chez elle, la remit aux mains de Florence et sortira de l'air le plus naturel. « Ah, je crois que je le hais !» se dit Rose en revoyant les murailles détestées de la maison de son mari. « Et je me demande pourquoi je suis revenu, si seulement je savais où aller, pour ne plus jamais entendre parler de lui. » 2 jours s'écoulèrent. Rose, enfermée chez elle, ne vit personne, pas même le docteur, qui se présenta sans être reçu. Marcel Brun, fort inquiet, sentait de l'orage dans l'air. L'explication donnée par Langlois ne l'avait pas satisfait. Il vint 2 ou 3 fois, interrogea Florence, l'effraya prodigieusement par son air perspicace, qui fit craindre à la pauvre vieille que sa maîtresse n'eût commis quelque effroyable crime, et se retira sans avoir pu violer la consigne. André envoyait régulièrement une lettre tous les 2 jours. Après son retour de Paris, Rose ne se sentit pas le courage de mentir. « Je suis souffrante et fatiguée, » écrivait-elle en hâte. « Ne m'en veuillez pas de mon silence. Si je suis quelques jours sans vous répondre, tout effort me coûte. » Il fallut bien qu'André se contentât de cela, faute de mieux. Il était d'ailleurs tellement occupé que les jours lui semblaient à peine des heures. À vivre seul avec son travail, loin des troubles de son intérieur, il avait retrouvé la paix sérieuse et profonde des travailleurs. Il s'était pris de passion pour ses études et les poussait avec une activité extraordinaire, non pour retourner auprès de sa femme, mais pour montrer à ceux qui avaient eu confiance en lui qu'il était digne d'un poste important. Déçu dans son amour, il se sentait devenir ambitieux, comme il arrive souvent. Aussi la lettre de Rose, si courte et si froide, lui occasionna un moment d'ennui, mais elle ne le troubla pas sérieusement. « Encore un caprice, » dit-il. Au moins celui-là n'était pas dangereux, et il n'y pensa plus. Après 2 jours de réclusion, Rose s'ennuya. Elle revêtit une jolie toilette de demi-saison et alla se promener autour des remparts. L'après-midi, tout ensoleillé et pourtant fraîche, parlait déjà des approches de septembre. La jeune femme marcha longtemps avec une sorte d'ivresse. Si Chartres était une prison pour elle, au moins avait-elle le droit d'en faire le tour, et même extérieurement. Elle s'arrêta un instant devant la maisonnette où elle avait passé ce lugubre hiver. Les fenêtres grandes ouvertes n'avaient pas de rideaux. Personne ne demeurait dans le modeste logis, et le jardin, toujours propre et soigné, avait cet air triste des lieux qu'on visite mais qu'on n'habite pas. Rose se sentit le cœur serré. Là, elle avait été libre, sinon heureuse. Tous les déboires, toutes les amertumes, les inquiétudes de ce temps étaient oubliées. Elle ne se rappelait qu'une chose, alors elle ne dépendait de personne. Elle rentra chez elle, triste et abattue. Le lendemain, au moment où elle sortait pour recommencer cette promenade, elle vit une silhouette qui lui parut familière se détacher sur le fond gris des murailles. C'était un Parisien à coup sûr, et son cœur bondit quand elle crut reconnaître Pornic. C'était lui, en effet. Depuis la veille, descendu au grand monarque, il avait battu le pavé de toute la ville et obtenu de briques de broc bon nombre de renseignements sur tout ce qui l'intéressait. Il savait que M. André était en Belgique, que la jeune dame devait bien s'ennuyer, qu'elle avait été malade au point d'aller à Paris, et que le docteur Langlois avait pris la peine de la ramener. Un bien brave homme et un bon médecin, le docteur Langlois. Une jolie dame, Madame André. Gérard Pornic entendait trop bien ses affaires pour aborder Rose en public. Il la précéda pendant un quart d'heure, sans se retourner pour voir si elle marchait derrière lui, sûr néanmoins qu'elle ne se déroberait pas. Quand elle fut arrivée sous un quinconce de vieux arbres, dans un endroit élevé qui domine la campagne et la ligne du chemin de fer, elle s'assit sur un banc, tournant le dos à la ville. Il alla s'asseoir près d'elle, avec un salut fort respectueux. L'endroit était désert à cette heure de l'après-midi, où chacun est à ses devoirs. Il pouvait causer à leur aise. « Que venez-vous faire à Chartres ?» lui dit-elle avec un peu d'irritation. Tout ce qui ressemblait à un empiétement sur son indépendance la mettait en défiance et lui causait de la colère. « Je suis venu visiter la ville, » répondit-il effrontément. « C'est une ville fort intéressante. » C'était si impudent que Rose éclata de rire. Il sourit d'un air fin. « Vous ne croyez pas ? Vous avez grand tort, » reprit-il. « Si vous saviez comment s'ennuie à Paris. Depuis quand ? Depuis que vous êtes parti. Par parenthèse, c'était tout à fait gentil de votre part de vous en aller comme cela sans me prévenir. C'est moi qui ai fait une jolie figure le soir, avec mon coupon de loge, quand je suis venu vous chercher. Le grand malheur, il ne vous avait rien coûté, » fit dédaigneusement Rose. Avec cet homme, elle perdait toute distinction, toute finesse, presque toute réserve. Il réveillait en elle les instincts vulgaires, les côtés bohèmes et tapageurs de sa nature complexe et mal équilibrée. « Ce n'est pas pour la loge, c'est pour ma soirée perdue que j'ai des regrets, » dit Pornic en battant le gravier du bout de sa canne. « Voyons, madame, est-ce que vous ne sentez pas que nous ne sommes, ni vous ni moi, des gens à nous séparer après nous être rencontrés, sans qu'il reste dans notre vie une trace durable de cette rencontre ?» Elle le regarda froidement. « Comment l'entendez-vous » dit-elle d'un ton sec. « Ne feignez pas de ne point me comprendre, » reprit-il en fixant sur elle ses yeux hardis. « Il y a entre vous et moi un lien mystérieux, inexplicable. Êtes-vous fataliste ?»« Non, » dit Rose en fronçant les sourcils. « Je le suis, moi. Vous jouerez mon drame, bon gré mal gré. Il faut vous y résigner. »« Je trouve cela fort ridicule, » dit tranquillement Madame André. Est-ce pour me faire ces prédictions de somnambule que vous vous êtes dérangé ? Ce n'est pas ainsi que Pornic avait espéré d'être accueilli. En voyant Rose d'un abord si facile, il s'était imaginé qu'elle lui appartiendrait, pour peu qu'il le voulût. Cette résistance inattendue le piqua au vif. « Pour cela et pour voir la cathédrale, » dit-il en se levant, « pousseriez-vous l'obligeance jusqu'à m'en faire les honneurs ?» Rose secoua négativement la tête. « Vous ne manquez pas de Cicérone, » dit-elle sans bouger de son banc. Vous serez plutôt obligé de les prier de vous faire grâce. Serais-je admis à l'honneur de vous faire mes adieux chez vous ? Dit-il d'un ton cérémonieux en se tenant découvert devant elle. Elle le regardait, prête à répondre non. Ce n'est pas un esprit de réserve ou de convenance qui lui dictait sa réponse, mais bien le besoin de donner une leçon à cet homme, trop confiant dans sa bonne étoile. Au moment où ses lèvres s'entrouvraient pour une réponse maligne, elle aperçut Langlois sur la route au-dessous d'eux. Il venait du faubourg, à pas pressés. Par hasard ou par habitude, les yeux du médecin s'étaient portés au haut de l'esplanade, où les après-midi de beau temps, sa femme venait quelquefois avec le bébé. Son regard, qui avait toisé Pornic, rencontra celui de Rose. Malgré la distance, elle eut de l'étonnement et quelque chose de plus sur le visage de Langlois. Il la salua froidement, pour bien lui montrer qu'il l'avait reconnue et continua sa course pour rentrer en ville. Rose était restée immobile et sur son visage expressif se succédaient les sentiments les plus contradictoires. Elle répondit au salut du docteur par un signe de tête hautain. « Vous me refusez ?» dit Gérard qui la guettait du coin de l'œil. « Moi, pas le moins du monde. On doit bien cela à un homme qui a fait le voyage de Chartres pour voir la cathédrale. Allons, je vais vous conduire jusqu'au pied de ce monument, mais n'en exigez pas davantage. » Elle lui prit familièrement le bras. Elle lui fit presser le pas de façon à croiser Langlois au moment où il arriverait au bout de l'esplanade. En effet, ils se trouvèrent face à face. Le docteur ne put réprimer un mouvement, mais Rose le regarda fixement d'un air de défi. Il la salua et passa. Pornic avait levé son chapeau. « Qui est ce monsieur ? » demanda-t-il d'un ton confidentiel. « C'est un ami de mon mari, » répondit-elle, les yeux encore chargés de colère. « Voici l'église à votre gauche. Vous savez où je demeure. À tantôt. » Elle le quitta, et lui, stupéfait, n'eut d'autre ressource que d'aller en effet visiter la cathédrale pour la seconde fois. « On m'avait bien dit, » pensa-t-il en accomplissant ce devoir, « que Rose Rosier n'était pas commode. Mais ceci dépasse ce que je m'étais imaginé. »